jusqu'à la nuit, c'est un pays de rêve. J'ai changé de maison pour habiter les bois, j'ai changé de saison pour habiter l'été. Oh, oh, oh, oh. Combien de temps de lutte et de combat, de courses et de pique-niques, de bouches et de moustiques, sans s'arrêter. Morgan, Morgan, Morgan, c'est le matin. L'amitié pour échauffer mon cœur. Oh, oh, oh, oh, oh, combien de joie, de rire et de chansons, de fleurs et d'hirondelles, de lacs et de montagnes.